J'ai croisé les chemins, j'ai parcouru les routes, semé d'embûches et de doutes, pour aller vers demain. Et j'ai longtemps erré dans les traces aux autres, sans savoir où mener ce chemin. Moi la faute, dis-moi alors pourquoi une route parmi d'autres serait la vérité, serait la voie sacrée. Si alors ton parcours n'est besoin de courir, le chemin entre toi et le temps infini. Je ne peux pas m'enfuir, le chemin est en moi. Je ne cherche plus la route, car j'ai trouvé ma voie. Je me suis libéré en acceptant l'aveu. J'ai dû mourir un peu pour espérer renaître. Pour que la paix puisse être, j'ai remercié la vie. J'ai retrouvé l'envie de vivre et d'avancer. Je ne sais toujours pas où le parcours. Quand j'ai choisi ma voie, je la suis sans détour. Je ne peux pas m'enfuir, le chemin est en moi. Je ne cherche plus la route, car j'ai trouvé ma voie.